الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Certes, la fin heureuse et la destination bonne est destinée est réservé aux croyants les pieux. Et il n'y aura de blâme et de reproche et de punition que pour les injustes al-zalimin. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le créateur des cieux et des terres, le Dieu des premiers et des derniers. Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager, le plus noble des messagers, le chef des pieux et le sceau des prophètes. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadithi kitab Allah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des voies et des guidées à suivre est la guidée du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. أيها الأحبة في الله، poursuivons notre série noble et bénie et notre parcours dans le jardin béni de Sourate Al-Luqman. Cette série qui nous permet de comprendre et de saisir l'essence des versets de notre Seigneur Allah Ar-Rahim Ar-Rahman. Et ceci est notre 15e rencontre parmi les rencontres de cette série Durusun min Sourate Al-Luqman. Leçon tirée de Sourate Al-Luqman. Et nous avons aujourd'hui, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, rendez-vous avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idh qala Luqman li-ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et lorsque Luqman a dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram wa ayyuha al-muslimun. Nous avons certes besoin, pour expliquer ce verset de Sourate Al-Luqman, de 5 discours successifs. Et cela sans exagération. Et que personne ne nous dise que nous donnons un sens au Coran qui ne porte pas ce sens. qu'Allah nous protège de dire une parole sur Allah sans science et sans savoir. Nous disons que nous avons besoin, afin d'expliquer le verset de Sourate Al-Luqman suivant, de 5 rencontres consécutives. Et nous nous arrêterons bi-idhnillahi azza wa jal sur chaque mot de ce verset, car chaque mot porte des sens et des exhortations et des interprétations qui font en sorte que nous pouvons donner un discours à chaque mot. Et ceci est l'obligation de tout musulman, ayyuhal ikhwa, qu'il s'arrête et qu'il saisisse et qu'il médite et qu'il réfléchisse sur les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah jalla wa ala nous dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Et s'il provenait certes d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et Allah nous dit également, Kitabun Mubarak, Unzila ilayk, liyadabbaru ayati, wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'ils méditent sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ainsi, nous évoquons et nous prononçons la parole d'Allah Jalla wa Ala, cette parole que nous allons étudier bi-idhnillahi Azza wa Jal aujourd'hui. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman s'adresse à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Et nous avons ainsi besoin de 5 rencontres pour ce verset. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, Allah Jalla wa ala ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, nous informe de la recommandation de la part de Luqman, rahimahullahu ta'ala, à son fils, cette recommandation qui est à la fois tendresse, mais à la fois sérieux, à la fois interdiction, mais également douceur et miséricorde. Et ainsi le fait qu'Allah Jalla wa ala ait évoqué et citer ces sages recommandations de ce serviteur vertueux qu'est Luqman, de ce serviteur noble, n'est autre que pour nous un éclaircissement du chemin éducatif divin, avec lequel il nous incombe d'enseigner et d'éduquer nos garçons et nos filles et nos enfants. Les sages recommandations de Luqman, rahimahullahu ta'ala, ne sont autres pour nous que des ordres et des interdictions rappelez aux croyants et aux mu'minoun à tout moment et à toute époque, car ayyuhal ikhwatul kiram, li'anna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, car le rappel est profitable pour les croyants et les mu'minin. Wa idh qala Luqman li-ibnihi wa huwa ya'idhu. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, autrement dit, c'est comme si qu'Allah jalla wa ala disait, évoque, cite ya Muhammad, évoque la recommandation de Luqman à son fils, alors qu'il faisait des efforts afin de l'éduquer. Car Luqman, rahimahullah, était un serviteur pieux, et un père doux, et un père conseilleur. C'est ainsi le devoir du père musulman, al-abul muslim, celui qui a et qui possède des enfants, de ne pas les négliger, mais de les suivre plutôt, et de faire des efforts, et de les éduquer, et de les conseiller, et de les avertir, car le père, al-abul muslim, ne veut pour son enfant que du bien. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ. Sachez que les enfants, al-awlad, représentent un énorme don de la part d'Allah Azza wa Jal. Représentent un énorme bienfait qu'Allah Jalla wa Ala aura accordé à ses serviteurs. Car c'est certes l'ornement de la vie d'ici-bas, zinatul hayati dunya, et une beauté prospérante. Allah Jalla wa Ala nous dit, al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Certes, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Et Allah nous dit également, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Et il a fait à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a certes informé que les enfants al-awlad, garçons et filles, représentent un don de sa part subhanahu wa ta'ala, comme dans sa parole jalla wa ala dans sourate ash-shura, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. الله nous dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et il fait don de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois des garçons et des filles, et il rend stérile qui il veut, et il est certes omniscient et capable de toutes choses. C'est ainsi un énorme bienfait qu'Allah aura accordé à ses serviteurs que sont les enfants al-awlad. Celui qui en aura reçu de ce bienfait, et celui qui en aura été privé, sera privé de ce bienfait. Il incombe donc à ceux qui auront reçu ce bienfait que sont les enfants al-awlad, de remercier et d'être reconnaissants envers le Créateur et leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le fait et la façon et la manière de remercier Allah tabaraka wa ta'ala sur le bienfait des enfants al-awlad se fait en les éduquant sur la guidée de la meilleure des créatures Sayyidul Khalq, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah aura éduqué afin qu'il éduque ce bas monde ad-dunya. Car le fait d'éduquer les enfants, ayyuhal ikhwatul kiram, est une énorme et une très grande responsabilité. Et cette responsabilité, iwallah, est très difficile. Sera perdu celui ainsi qui les éduquera mal et celui qui les trahira. Car nos garçons et nos filles sont certes le fruit de nos cœurs, al-quloub, et la prunelle de nos yeux. Car nos garçons et nos filles représentent certes le futur et l'avenir de la communauté musulmane, al-ummatul islamiyya, et représente le trésor qui se doit d'être vertueux pour notre religion et pour notre communauté et pour notre nation. Car les enfants al-awlad, garçons et filles, doivent être un bon reflet de leur père et leur mère. Al-Islam a ainsi accordé une grande importance dans l'éducation des enfants tarbiyatul awlad. Alors prêtez donc attention avec vos oreilles et vos cœurs, ayol ikhwatul kiram, car ce discours est d'une importance primordiale. Nous disons qu'Al-Islam a pris en compte l'éducation des enfants avant qu'ils naissent de ce bas monde ad-dunya. Pourquoi ? Car les hommes se doivent en premier lieu de choisir des femmes vertueuses, d'une catégorie rare, comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit : la femme est mariée pour quatre raisons, pour son argent, pour sa place sociale, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis donc celle de la religion. Choisis donc celle de la religion. C'est-à-dire choisis celle de la religion et ne te tourne pas vers l'argent, ni la beauté, ni autre. Et ceci est également ainsi le choix de la noble mère pour les enfants al-awlad. Et a dit vrai celui qui nous dit, la mère est une école si tu la prépares. Tu auras alors préparé des gens de bonne souche. Et l'ordre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam également, d'effectuer les ablutions al-wudu avant d'effectuer ses relations avec sa femme, avant que cet enfant ne soit créé, et l'invocation ad-du'a conseillée également avant le rapport, ne sont autres que des preuves de l'importance accordée à l'islam afin que les enfants al-awlad soient vertueux avant même qu'ils ne viennent dans ce monde ad-dunya. Allah Jalla wa Ala nous dit, par la langue de son prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, Rabbi habli min as-salihin, ô Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Et Al-Khalil Ibrahim alayhi salam nous dit également, comme dans le Coran, Wajunubni wa baniya an na'bud al-asnam, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Et Allah nous dit également en décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman, comme dans sourate al-Furqan, Allah Jalla wa Ala nous dit: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et ceux qui disent, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux, c'est-à-dire des serviteurs acceptés et agréés par Allah et Azza wa Jal, ceux qui disent au Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants, c'est-à-dire nos enfants, la prunelle de nos yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Et les règles également liées au nouveau-né Al-Mawloud, de prononcer Al-Adhan dans son oreille droite, et le fait de lui donner un beau nom, et d'autres règles, ne sont que des preuves, ayol ikhwatul kiram, quant à l'importance accordée au fait que les enfants Al-Awlad se doivent d'être vertueux salihoun. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant. Ainsi, l'éducation des enfants, ayol ikhwatul kiram, est une énorme responsabilité, ayol ahbab. Puis après cela, vient l'appel divin, l'appel de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cet appel qui aura fait sortir le cœur des poitrines à soudour, et qui donne des frissons dans le dos des gens, et qui fait vibrer les cœurs vivants, et qui réveille les âmes insouciantes, selon la parole d'Allah, jalla wa ala, ya ayyuha alladhina amanu, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu an-nar. L'appel ici est pour qui? L'appel ici est destiné à qui? Aux croyants, al-mu'minoun. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. C'est-à-dire placer entre vous et le feu une protection et un rempart. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad. Ô vous qui avez cru, protégez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes et durs. Qui sont ces anges, ayyuha al-ikhwa? Tels sont les gardiens de l'enfer, tels sont les gardiens du châtiment al-Adhab, tels sont ceux à qui Allah aura ôté de leur cœur la miséricorde al-Rahma, et la compassion et la douceur al-Rifq, Allah aura retiré de leur cœur la miséricorde. Ils ne secourent pas ceux qui leur ont demandé le secours, ils n'attendent pas qu'on leur demande d'attendre, et ils ne délaissent pas ceux qui ont l'ordre de s'en occuper, et ils ne sont pas doux avec ceux qui leur demandent d'être doux. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Surveillés par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Alors c'est ce qui t'attend au toi le père musulman, ayyuha al-abul muslim. Si tu ne te tiens pas aux ordres d'Allah et Azza wa Jal, et si tu n'éduques pas tes enfants quant à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, et c'est ce qui t'attend en toi la mère musulmane, si tu négliges les ordres d'Allah Jalla wa Ala et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ab, ayyatuha al-um, ô toi le père et ô toi la mère, sachez que vous serez jugés très difficilement et très durement à propos de vos enfants, garçons et filles, le jour de la résurrection, yaoum al-qiyamah. Et ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ibn Umar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous êtes tous protecteurs et vous serez tous jugés sur ce que vous protégez. L'homme est le protecteur de sa maison et sera jugé quant à sa famille, et la femme est la protectrice dans la maison de son mari et sera jugée quant à sa protection. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique selon Anas ibn Malik radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah questionnera tout responsable en ce qu'il devait protéger. Les a-t-il bien protégés ou bien les a-t-il délaissés et abandonnés jusqu'à ce que l'homme soit questionné sur sa famille? Alors ô vous les pères, ô vous les mères, sachez que la meilleure chose que vous pourrez avancer pour vos garçons et pour vos filles sera la bonne éducation musulmane, at-tarbiyatul muslimah, tirée du livre d'Allah, al-Qur'an al-Karim, et de la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, selon la compréhension et la pratique des pieux prédécesseurs, as-salafu salih, رحمهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه nous dit en ce qui concerne la parole d'Allah: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Cela signifie: apprenez-leur et enseignez-leur et éduquez-les dans ce qui leur sera une protection devant le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Ainsi, celui qui aura mené en perdition ses enfants, celui qui aura négligé leur éducation dans la religion d'Allah, il les aura ainsi grandement trahis. Et c'est pourquoi le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ma'qal ibn Yasir radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un responsable à qui Allah a chargé d'une responsabilité et qui demeura en les trahissant, c'est-à-dire en trahissant cette responsabilité, puis qui mourut sans qu'Allah jalla wa ala ne lui interdise le paradis al-jannah. Sans qu'Allah jalla wa ala ne lui interdise le paradis. Alors, ô vous qui avez négligé l'éducation de vos enfants, ô vous qui avez retardé l'éducation de ces enfants, ô vous qui avez mené en perdition vos enfants, ô vous qui avez mené en perdition vos filles, ô vous qui avez mené en perdition vos garçons, en les éduquant d'une autre éducation de celle de l'islam, en les délaissant auprès chez les ennemis de l'islam, sachez que vous les avez grandement trahis, iwallah. Et ils attraperont le coup, et ils attraperont votre coup le jour de la résurrection, yawm al-qiyama, ce jour où le père se désavouera, et où le père s'innocentera de l'enfant, et où l'enfant s'innocentera et se désavouera de son père. يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vous trahissez vos enfants, vous trahissez vos garçons, vous trahissez vos filles. Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas éduqués? Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas éduqués avec قال الله قال الرسول. Allah a dit et son messager a dit: pourquoi ne les avez-vous pas éduqués dans le chemin, et pourquoi les avez-vous éduqués dans le chemin des mécréants al-kuffar et des athées? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dit: certes, les perdants sont ceux qui le jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles. C'est bien cela la perte évidente. Ainsi, le fait d'éduquer les enfants en dehors de l'éducation de l'islam aura certes isolé plusieurs générations et les aura fait fuir de la religion d'Allah Jalla wa Ala. Malheureusement, des jeunes parmi les garçons et les filles fuient de nos jours la religion d'Allah, n'aiment pas ceux qui suivent la religion d'Allah, se moquent des règles de la religion d'Allah et ils se disent musulmans par héritage. Et le résultat de tout cela, ayyuhal ikhwatul kiram, et le fruit de tout cela est que beaucoup d'ennemis de l'islam sont des enfants des musulmans. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Ainsi, il incombe et il faut absolument éduquer nos enfants d'une façon juste et authentique, selon qal Allah qal ar-rasoul, selon Allah a dit et son messager a dit alayhi salat wa salam, car ils représentent notre avenir, car ils représentent notre futur, et car ils sont nos trésors, ayyuhal ikhwatul kiram. Il nous est donc interdit de les mener en perdition. Il nous est interdit d'être la cause de leur perte. Il nous est interdit de négliger ainsi l'éducation de nos garçons et de nos filles. Demande-toi ô toi noble père. Demande-toi ô toi le père, où sont tes garçons? Où sont tes filles? Où sont-ils vis-à-vis du livre d'Allah Azza wa Jal? Où sont-ils vis-à-vis de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam? Le fait de ne pas éduquer les enfants sur la religion d'Allah a fait en sorte d'isoler plusieurs générations qui ne sont musulmans de nos jours que par héritage. Regardez donc les enfants des musulmans dans ce pays. Regardez les enfants des musulmans dans les pays occidentaux. Regardez par qui ont été remplies les prisons. Et regardez les rues et les endroits publics. Par qui ont-elles été salies? Par les enfants des musulmans, ma'al asaf. Pourquoi? Parce que nous avons négligé leur éducation sur ce qui satisfait Allah et Azza wa Jal. Regardez-les, il n'y a pas de bien dans eux, ni pour les pays, ni pour les gens. tu regardes le visage de l'un d'entre eux, tu leur aurais tourné le dos en fuyant et tu aurais été rempli d'effroi devant eux, malheureusement. Des fantômes effrayants, wa la'iyadu billah. Pourquoi ? Tout cela est dû à la négligence de l'éducation, à tarbiyah. Tout cela est dû à la négligence envers nos enfants et le fruit de nos cœurs, al-quloub. Certains pères et mères ne se préoccupent de nos jours que des noms de n'éduquer leurs enfants, mais sur comment pourraient-ils gagner de l'argent et des dollars. Ils n'ont pas de but de comment leur fille ou leur fils pourrait avoir un poste ou bien pourrait craindre Allah Jalla wa Ala, non. Mais leur but est comment leur fils et leur fille pourra avoir un poste pouvant faire rentrer des millions d'argent. Et ils n'accordent ainsi d'importance que dans leur travail et dans leur spécialité. L'enfant grandit alors en étant le serviteur de l'argent, l'adorateur de l'argent. Il grandit en devenant le serviteur de ce bas monde ad-dunya et des biens matériels de la vie de ce bas monde ad-dunya. Ainsi leurs parents ne se soucient pas que leurs enfants travaillent dans ce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit. Non. Regardez les enfants des musulmans et les ikhwas autour de nous. Leur jour est passé dans le sommeil an-nawm, dans la fainéantise, dans la paresse, dans le chômage, et leur nuit dans les turbulences, dans les querelles, dans les disputes, dans le fait de boire de l'alcool, de consommer des drogues et des stupéfiants. Ils offensent et ils mettent en colère Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ils offensent et ils nuisent aux serviteurs d'Allah azza wa jal. Beaucoup de pères et de mères ont délaissé et ont abandonné et ont négligé l'éducation de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils se disent musulmans seulement par héritage. Allahul Musta'an. Et beaucoup de mères également, yol ikhwatul kiram, ont négligé l'éducation de leurs filles. Demande-toi, ô toi, notre noble père, est-ce que ton fils connaît son prophète? Est-ce que ton fils sait quand est-ce qu'est né son prophète, alayhi salatu wassalam? Ou bien où est-ce qu'il a vécu? Et quand est-ce qu'il est mort? Et qu'a-t-il fait, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ton fils connaît les compagnons as-sahaba du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ainsi que leur nom, ainsi que leur vie, ainsi que leurs œuvres? Demande-toi, ô toi la mère croyante, ayyatuha al-umma al-muslima, ô toi la mère musulmane, est-ce que tes filles connaissent les femmes pures et les adoratrices vertueuses as-salihat? Car nos filles et nos fils, ayyuhal ikhwatul kiram, à notre époque et de nos jours, ne connaissent que les noms des artistes, et les noms des sportifs, et les noms des joueurs de foot, et les noms des vauriens et des ordures, parmi ceux qui ne méritent même pas d'être évoqués par rapport à leur comportement et encore moins par rapport à leur religion et à leur science et à leur savoir. Naam, beaucoup de mères ont négligé l'éducation de leurs enfants et elles n'ont de but dans cette vie que d'avoir des amis et elles n'ont de but dans cette vie que dans le fait de s'embellir et dans leurs entrées et dans leurs sorties de leur maison. Elles n'ont de but dans leur vie que de courir dans les marchés al-aswar et de rentrer dans les centres commerciaux et dans les marchés, ainsi que de suivre les séries télévisées al-musalsalat. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elles ne sont préoccupées que dans les soldes et dans les parfums, alors qu'elles négligent leurs enfants et la prunelle de leurs yeux. A'adana Allahu min hadha al-hal. Un garçon ou une fille qui grandit et qui est éduqué dans une demeure où la mère est préoccupée par la mode et par les soldes et par les marchés et d'autres choses parmi les futilités, et le père est préoccupé par le fait de leur octroyer ce qu'ils demandent à travers la nourriture et la boisson et les habits et autre chose lorsqu'il a du temps, il se place devant la télévision ou bien il va dans les marchés ou bien il va dans d'autres endroits. Un enfant, ayol ikhwatul kiram, qui grandit dans cette demeure comme celle-ci est voué à la perdition et devient un outil de la destruction de la communauté musulmane à l'ummatul islamiyya. Naam, ayol ikhwatul kiram. Il faut donc éduquer les enfants selon qu'al Allah, qu'al Rasul. Allah a dit et son messager a dit, alayhi salatu wassalam, wa qala sahaba, et les compagnons ont dit, ce sont eux les savants. Fattakullah, ayol ikhwatul kiram. Craignez Allah, jalla wa ala, et attention à vos enfants et surtout les musulmans vivant en Occident. Les musulmans vivant en Occident, car nous voyons les musulmans al-muslimines vivant dans les pays occidentaux. En ayant tout ce qu'ils désirent, ils ont reçu la vie de ce moment d'ad-dunya, tous ces biens matériels, une demeure ici, une demeure dans le pays d'origine, une voiture ici, une autre dans leur pays d'origine, un compte bancaire ici, et un autre dans leur pays d'origine. Mais où sont les enfants? Où sont les garçons? Où sont les filles? Où sont-ils par rapport au livre d'Allah? Où sont-ils par rapport à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Où sont-ils par rapport au fait de prier dans les maisons d'Allah et azza wa jal? Où sont les filles par rapport à l'habit musulman et le hijab al-shar'i, فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا الله مجيء وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه et lorsque لقمان s'adressa à son fils tout en l'exhortant أسأل الله جل وعلا nous demandons à Allah تبارك وتعالى qu'il nous fasse profiter de la bénédiction du noble Coran et qu'il nous fasse profiter de ses versets et de ses rappels. إِنَّهُ وَلْيُذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ